Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on parle de vous, chers auditeurs, chères auditrices. Et oui, vous, vous qui êtes ornithologue. Et c'est Sophie qui va parler de vous. Comment ça va, Sophie? Quel programme! Du coup, il va falloir que je parle de chacun d'entre vous. Ça va être long. Hein. Après, on n'a que 560 abonnés sur YouTube, un petit peu plus en podcast. Donc, ça va. Ça fait quand même du monde. Je pense qu'on en a pour quelques heures, quand même. Il est vrai. Il est vrai. Donc, on va parler d'ornithologue, ce qui est assez rare, finalement, dans l'émission, oui. Puisqu'on parle beaucoup d'oiseaux. Oui. Mais qu'est-ce que tu vas nous apprendre de beau? Oh bah on en parlera tout à l'heure, mais disons qu'on va, s'intéresser au cerveau des ornithologues amateurs et voir un petit peu comment, comment ça réagit à notre passion commune, finalement. D'accord, ok, intéressant. Eh bien moi, Sophie, je vais reparler de fientes, de guano, de caca. Ce sera dans la seconde partie de l'émission, mais rassurez-vous, ce sera beaucoup plus digeste que la dernière fois. J'ai hâte. Vous allez voir que les oiseaux ont des bienfaits naturels, et on aura l'occasion de voir ça dans la seconde partie. Voilà pour le programme de ce courrier de la Sterne, on rappelle. Sophie, on va parler d'abord de nos petites découvertes ces 7 derniers jours. Qu'est-ce que toi, tu as à nous apporter? Eh bien... une petite découverte qui est finalement assez simple, un papier qui a été publié dans IBIS, donc International Journal of Avian Science. Oula, désolé, je perds mon latin aujourd'hui. Ouf, c'est dur. Tu perds ton anglais. Non, oui, du coup, c'est difficile. Donc, International Journal of Avian Science, donc IBIS. Et ce papier nous apprend que donc chez la buse variable, on a des couleurs très différentes. Bon, ça vous le saviez déjà, j'en suis sûre, hein, on peut aller d'un morphe très très très clair jusqu'à des formes qui sont beaucoup beaucoup plus sombres, quasiment tirant sur le noir pour certaines espèces, sachant qu'en plus l'aire de répartition de cet animal est quand même très étendue, notamment en Europe. C'est un animal donc qui varie pas mal au niveau de son plumage. Et alors ce papier nous explique que en fonction de l'endroit d'où vient la buse, eh ben le plumage va être un poil différent parce qu'évidemment le plumage de l'animal est adapté à son environnement hein, pour essayer de s'y camoufler au maximum. Donc vous allez avoir un plumage beaucoup plus sombre dans des contrées qui sont très boisées notamment, et ou alors avec des roches volcaniques au sol, donc des roches très sombres. Hein. Évidemment. Et vous allez avoir des plumages beaucoup plus clairs à mesure qu'on s'approche du nord de l'Europe, notamment, parce que là, on est dans des contrées où bah, il a tendance à faire beaucoup plus froid l'hiver, avec souvent de la neige, et puis on a aussi des forêts qui sont beaucoup plus éparses, donc des milieux qui sont beaucoup moins resserrés, ce qui fait que si vous voulez vous camoufler un peu mieux, il vaut mieux un plumage plus clair. Et il se trouve que dernièrement, à cause du réchauffement climatique, bah, tout ça est en train un petit peu de changer, et il semblerait que les formes, donc les colorations qui résistent le mieux au changement climatique sont finalement les formes intermédiaires, donc c'est pas les formes sombres ni les formes claires, mais celles qui sont les plus adaptables en quelque sorte vont être les formes intermédiaires qui donc ont la capacité de s'adapter vers l'un côté ou vers l'autre beaucoup plus facilement que si vous êtes déjà d'un côté du spectre plutôt. Voilà. Intéressant. Le Muséum d'Histoire Naturelle, Sophie, le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris est en forme en ce début d'année parce que il nous a sorti une nouvelle grande étude dans Biological Conservation. C'est une étude menée par Frédéric Giguet et donc une équipe du Muséum d'Histoire Naturelle. Mm-hmm. Et ça parle des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Ah. Donc on a en France eh bien, toute une série d'espèces qui sont listées comme EZOD, c'est l'acronyme que nous utilisons. Et grosso modo, ce sont des espèces qui sont qualifiées si jamais celles-ci commettent des dégâts, notamment dans le milieu agricole. Et c'est pour ça qu'on établit notamment des mesures de régulation sur ces espèces. Eh bien, le muséum a mené une étude sur 7 longues années, sur une dizaine de ces animaux. Alors, 10 animaux qui ont été choisis, dont la moitié des oiseaux. Donc, pour les oiseaux, on a la corneille noire, on a le corbeau freux, la pie bavarde, le jet des chênes, mais aussi les tourneaux sans sonnet. Et l'objectif, c'était de savoir eh bien, si ces campagnes, justement, de réduction de nuisibles étaient aussi efficaces qu'on le pensée. Eh bien, l'étude du Muséum d'Histoire Naturelle est sans appel. Pour 8 à 23 millions d'euros de dégâts estimés par ces espèces, on investit par an 103 à 123 millions d'euros pour les abattre. Ouf. Autrement dit, l'abattage coûte à 8 à 10 fois plus cher que si on laissait les animaux faire. Donc voilà, une étude très intéressante que vous retrouverez dans la description. Je ne vais pas forcément rentrer dans plus de détails. Mais voilà, c'est, on va dire, la continuité du travail du muséum et de scientifiques français, avec notamment des recherches qui avaient été menées sur la corneille noire, qui montraient que l'abattage systématique des corneilles dans certaines régions ne réduisait pas pour autant ni la population de corneilles, ni les dégâts qu'elles peuvent occasionner. Et puis, il y a aussi tout, on va dire, les effets positifs que peuvent apporter ces espèces. Par exemple, si on reste chez les oiseaux, le jet des chênes, on en parle très régulièrement, Sophie, eh bien, est un oiseau très important puisqu'il plante chaque année des milliers d'arbres sans s'en rendre compte. Et eh bien, tout cela contrebalance quelque part les dégâts qu'il peut commettre. Et ben de mon côté, on va partir du côté de l'Amazonie, parce qu'il y a des nouvelles études qui sont sorties sur des plumes qui ont été retrouvées dans des tombes qui datent de l'époque pré-Inca, donc avant les Incas en Amérique du Sud. Et alors dans ces tombes et ces plumes qui ont été retrouvées, on a fait des analyses pour savoir d'où venaient les plumes, de quels oiseaux et surtout bah, de quels endroits venaient les plumes. Et ça, c'est facile à trouver parce que vous pouvez retrouver dans les plumes le régime alimentaire en fait de l'oiseau lorsqu'il était encore vivant. Parce que tout simplement, pour construire la plume, vous avez besoin de certains nutriments qui vont donc être retrouvés dans l'alimentation et qui vont ensuite se retrouver dans les plumes. Oh, voilà. Ok. Et alors, les chercheurs Incroyable. Ont en fait remarqué grâce à ça que les perroquets qui avaient été utilisés, parce que c'est des plumes de perroquets, hein, des plumes très colorées, des bleus, des jaunes, etc. Donc les plumes qui avaient été utilisées pour faire ces parures que l'on a retrouvées dans les tombes, et bien en fait, ce sont des plumes de perroquets qui avaient été élevées en captivité, qui avaient été certainement capturés dans la forêt amazonienne quelque part, et qui ensuite avaient été transportés sur des dizaines, des centaines, des milliers de kilomètres peut-être, jusqu'à plusieurs endroits, donc sur la cordillère des Andes. Et là, ils ont été gardés en captivité pendant un long moment, jusqu'à ce que finalement leurs plumes soient utilisées pour des parures. Donc il est fort possible que ces animaux aient été échangés, certainement devaient avoir une valeur marchande, hein, et ensuite utilisés donc, pour faire ces fameuses parures de plumes qui certainement étaient très courues à l'époque. Et donc ça fait suite à l'étude, je crois que tu nous en avais parlé il y a déjà un an ou deux. Exactement, voilà. J'allais rebondir sur cette étude. Exactement, et tu disais donc que c'était les civilisations, notamment Inca, etc., qui faisaient aussi ce genre de commerce. Et bien, il semblerait que les civilisations précédentes le faisaient déjà. Et donc ça, c'est une nouvelle découverte qui est sortie ben, juste ce mois-ci. Incroyable. Ben oui, j'étais tombé sur cette étude, mais par manque de temps, je n'ai pas plus creuser le sujet. Ben, c'est génial que tu en parles, effectivement. On vous renvoie à un épisode ancien. Alors je ne sais plus du tout lequel, peut-être dans les 60 ou quelque chose comme ça. C'est aussi pour ça qu'on numérote les épisodes du Courrier de la Sterne, c'est pour les retrouver plus facilement. On avait parlé de ces oiseaux qui transitaient à travers les déserts et qui étaient transportés de milliers de kilomètres de là où ils étaient. Allez Sophie, on va terminer par une petite anecdote, un petit fun fact, voilà, avec sous forme de question, Sophie. Quelle est la différence entre un brachiosaure et un vélociraptor ? Là, tu vas me dire, mais comment ça ? mais laquelle ? Parce que bon sang, on est d'accord qu'ils se ressemblent pas du tout les deux. Alors, je me suis trompé, c'est pas quelle différence, c'est plutôt quel point commun. En vrai, les deux pourraient marcher, mais quel point commun pourrait avoir ? Tu me dirais, ce sont des dinosaures, et tu aurais raison. mais ce n'est pas ça que je recherche, pour le coup. Entre un brachiosaure et quoi tu disais, un vélociraptor. Et un vélociraptor. Vélociraptor qui n'est pas vraiment un vélociraptor d'ailleurs, ce qui peut peut-être t'aider quelque part. Un Deinonychus Ouais, on est effectivement sur un animal qui serait plus représentatif du Deinonychus. D'accord. Est-ce que ça pourrait t'aider? Non, parce qu'ils sont tellement différents les deux, je t'avoue que là j'ai un petit peu... à part le fait qu'effectivement c'est le même groupe, enfin, largement, hein, ça reste du dinosaure, à part ça je vois pas trop... Alors, on va parler d'un film. Ah, Jurassic World ? Alors, pas Jurassic World, mais effectivement, on est dans la bonne saga. Jurassic Park, du coup. On va parler de Jurassic Park. Et en fait, le cri du brachiosaure et du vélociraptor sont basés sur le cri de la bernache du Canada. Sauf que, oui. Pour le brachiosaure, on a ralenti ce cri. Alors que pour le vélociraptor, lui, eh bien, on a pris en sorte le cri d'alarme, ou même plutôt le cri d'une bernache en colère, et on l'a accéléré. Et c'est ce qui nous a donné donc le cri du vélociraptor dans Jurassic Park. La bernache du Canada a aidé à fabriquer les deux sons que vous entendez dans le film, ce qui est absolument extraordinaire, je trouve. D'accord, en fait, le vélociraptor. Dans le film, c'est genre une bernache du Canada énervée, quoi. Exactement. C'est à peu près ça. Exactement. si tu veux savoir aussi, dans Jurassic World, tu parlais de Jurassic World, toujours chez les Raptors, c'est du manchot empereur, hein, cette fois-ci, qui est utilisé. Ah, sympa. Voilà. Ok. Par rapport donc au premier épisode. Et puis voilà, hein, tout ça pour dire que dans les films, on utilise beaucoup les cris d'oiseaux en les modifiant, par exemple. Dans le film Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps, faut savoir qu'on utilise des bruits synthétiques de goélands. Ce ne sont pas des vrais cris de goélands qui sont utilisés. Ce qui est assez synthétique. Étrange. D'accord, ils n'ont pas enregistré du goéland. Non, ils n'ont pas enregistré des sons marrant, de... ça. Des sons de goélands, c'est assez particulier. Il y a une raison. C'est pas expliqué. Alors c'est juste un burn note, okay. Donc vous retrouverez, c'est juste un petit podcast d'une à deux minutes qui explique certaines, voilà, une petite anecdote autour des oiseaux. Mais voilà, la création de cris animaux dans la fiction. J'écoutais justement une intervention des développeurs du jeu vidéo Absou. Alors là, on n'est pas du tout sur l'environnement aviaire, mais plutôt sur l'environnement sous-marin, puisque Absou est un jeu de plongée dans lequel vous avez beaucoup d'animaux. Et ils avaient, par exemple, pour le cri du marsouin, utilisé un ballon de baudruche pour justement représenter le cri de l'animal. Voilà. C'est j'imagine, du coup. Le pire, c'est que ça marche. Tu te dis, il est bien ressemblant, ce cri. Donc ouais, voilà. Oui. Si tu regardes Jurassic Park, si vous regardez Jurassic Park, eh bien, sachez que la bernache du Canada est à la fois le cri du brachiosaure et celui des vélociraptors du film. J'espère qu'elle a été citée dans les remerciements, quand même. Hein. Je sais pas du tout. Je suis toujours bluffée par les inventions des gens qui font le son dans les films avec les effets sonores et autres. C'est incroyable. C'est incroyable, hein, vraiment. C'est, Mon Dieu. Je me souviens, c'était le bruit d'une bombe. Donc là, on est aussi dans un jeu vidéo. C'était Batman Arkham Asylum, oui. Donc un jeu vidéo sur Batman. Et pour le bruit de la bombe qu'utilisait Batman pour exploser les murs, ils avaient pris en fait de la mousse qu'il versait en fait sur je sais plus où exactement et ça faisait le bruit justement du gel explosif de Batman. Puis il y avait aussi une histoire de pour le bruit de la ventilation, ils ont mis un haut-parleur dans un frigo. Enfin c'est assez brillant, vraiment. Le monde mal, des effets spéciaux sonores est assez fantastique. C'est incroyable. Eh ben c'est sur ça, Sophie, que l'on conclut, à moins que tu aies quelque chose à rajouter d'autre. Oh non, ça ira très bien, écoute, ça me va. Petite anecdote comme ça, j'aime, je prends. Eh ben c'est parfait. On va plonger dans la première partie, dans le cerveau, dans notre cerveau, Sophie, celui des ornithologues. sections, Sophie, du coup, pour... Alors, je n'ai pris personne et je n'ai pas ouvert le crâne de qui que ce soit, promis. Donc, nous n'allons pas faire une dissection aujourd'hui, ni une vivisection, d'ailleurs. Pour... Non, baisse ce... Oh. Non, non, baisse ce scalpel tout de suite. Tout de suite. On va éviter. Voilà, donc non, non, ça ira. On va faire ça gentiment, on va faire ça par scan, ce sera vachement mieux. Alors, des chercheurs se sont intéressés à l'activité donc, du cerveau, et cette activité du cerveau, notamment lorsqu'il s'agit de faire des choses comme de l'ornithologie amateur, c'est-à-dire de reconnaître les oiseaux, ou de reconnaître n'importe quoi, d'ailleurs ils auraient pu prendre n'importe quoi, leur but c'était vraiment de prendre un passe-temps, une passion comme ça, qui avait finalement un impact sur certaines zones du cerveau. Et donc ils ont comparé, alors ils ont pris, alors je crois qu'il y avait... une cinquantaine d'ornithologues amateurs. Pareil, alors c'est pas des ornithologues, c'est pas quelqu'un qui va être dans un labo et qui en fait effectivement son métier, hein. C'est des ornithologues amateurs, des gens comme vous et moi qui simplement ont envie de sortir le dimanche pour aller observer les oiseaux, c'est à peu près ça. Sauf que parmi ces ornithologues amateurs, il y en a qui sont très avancés dans leur pratique, qui connaissent beaucoup de choses, qui ont lu tous les bouquins, enfin bref, des cracks, en quelque sorte. Et vous allez avoir les autres qui sont des novices, qui, eux, peut-être qu'ils ont commencé à sortir un peu deux, trois fois, ils aiment bien, hein, mais bon, ils y connaissent pas grand-chose pour l'instant. Donc, on a cette cinquantaine d'ornithologues amateurs, avec des bons et des moins bons. Ils ont essayé de les répartir en deux groupes, plus ou moins équivalents, au niveau notamment de l'âge, de l'éducation, du genre aussi, parce que des hommes et des femmes, hein, ça peut avoir une différence, donc ils ont essayé de prendre ça en compte. Et ils ont regardé si dans le groupe des experts, on va les appeler les experts en quelque sorte, il y avait une différence au niveau des aires du cerveau qui s'allumaient lorsqu'ils pratiquaient l'ornithologie, comparé au groupe des ornithologues junior en quelque sorte, donc beaucoup moins, plus novice, qui commençait à peine le hobby. Et ils ont passé tout ça donc sous scanner, et ils les ont mis en fait face à des photos d'oiseaux de différentes espèces, et ils devaient reconnaître les espèces d'oiseaux en question. Alors généralement en plus c'était des questions assez difficiles, parce qu'évidemment ils se sont amusés à mettre des espèces qui se ressemblaient beaucoup. Donc ils montraient, oui, c'est pas drôle sinon, parce que pour voir les vrais experts, hein, tout de suite, donc ils mettaient une photo d'une espèce, et après ils disaient, bon voilà, reconnaissez-la parmi ces quatre autres photos d'oiseaux. Alors il y en avait une qui était la même espèce évidemment, et puis il y en avait trois autres qui se ressemblaient beaucoup, mais qui n'étaient pas du tout celles-là. Avec des espèces locales, puis ils ont fait ça en Amérique du Nord, et des espèces qui n'étaient pas locales du tout. Alors, les experts... dans le groupe des experts, donc, ils ont réussi à reconnaître leurs oiseaux très facilement. On était à plus de 80% de réussite quand même, ce qui est pas si mal sur l'ensemble du groupe. J'aurais pu mieux faire quand même. Ouais, y avait quand même des espèces qui étaient pas locales, donc bon, on peut se dire que voilà, voilà. Et de l'autre côté, par contre, ouais, non, on était plus sur 40%. Encore. Ce qui est plutôt pas mal en vrai pour des gens qui démarrent. 40% c'est pas si mal pour un début. C'est pas si mal. Donc on avait ces deux groupes qui étaient très différents au niveau déjà de la quantité de bonnes réponses, parce qu'on est quand même sur un facteur 2, hein, 40% à 80%. Mais surtout on a ces deux groupes qui étaient très différents au niveau des régions du cerveau qui s'activaient pour reconnaître les oiseaux, et c'est là que ça devient intéressant. Okay. Parce qu'en gros il y a trois régions du cerveau qui vont être actives lorsque vous êtes un ornithologue confirmé en quelque sorte, qui sait reconnaître les oiseaux, et lorsque vous observez un animal ou un oiseau, vous essayez de reconnaître la bestiole. Vous avez donc les régions qui servent à l'identification d'objets, évidemment, c'est normal. La région qui s'occupe de la vue, parce que faut bien regarder la bestiole, et aussi la région qui va utiliser tout ce qui est process de mémoire et d'attention. Et donc ces trois aires du cerveau vont s'allumer particulièrement chez les ornithologues qui savent déjà ce qu'ils font, alors que chez les ornithologues amateurs qui sont novices, ça s'allume beaucoup moins, ou quasiment pas, en fonction des gens. Donc en fait, il semblerait que l'apprentissage de l'ornithologie, eh ben, ça vous fait utiliser votre cerveau beaucoup plus que quelqu'un qui ne l'a pas. Du moins, lorsque vous pratiquez ce hobby. Évidemment, lorsque vous pratiquez autre chose, c'est certainement, si vous avez décidé d'apprendre un instrument, ça va certainement faire la même chose, peut-être dans des aires du cerveau différentes, mais vous devriez arriver à un résultat similaire. Donc, les chercheurs de l'étude concluent, c'est là que c'est très intéressant, c'est que l'avantage de ce genre de hobby, c'est qu'en fait, ça va vous permettre non seulement de développer les connexions neuronales dans votre cerveau dans ces aires-là, mais aussi, et fort possiblement, de limiter les dégâts dus à l'âge sur ces aires-là. Parce qu'ils se sont rendus compte que même les gens qui étaient assez âgés dans le groupe, parce qu'ils ont pris des gens de différents âges aussi pour voir les effets sur les différents âges des personnes, même les gens assez âgés, finalement, arrivaient très bien, lorsqu'ils étaient assez experts en ornithologie, ils arrivaient très bien à mobiliser ces aires de leur cerveau, sans aucun problème, pour reconnaître les oiseaux. Donc il semblerait que avoir un hobby comme l'ornithologie, eh ben, ce soit une méthode pour simplement limiter ou du moins réduire le vieillissement du cerveau, comme d'ailleurs beaucoup d'autres hobbies que vous pouvez faire par ailleurs. Et ça, c'est très intéressant. Et du coup, sachez, hein, vous comme moi, que nous autres, amateurs d'ornithologie, eh bien, nous avons un avantage. Continuez à pratiquer ce hobby, votre cerveau vieillira moins vite. Et ça c'est plutôt bien. Fantastique. Ça rejoint tout un tas de bonnes ondes, quelque part, d'études qui citent les bienfaits de l'ornitho, qui citent les bienfaits de la nature en général, hein, notamment le déstressant qu'il peut être, puisque je crois qu'il y avait des études qui étaient menées sur des gens qui se baladaient en forêt et qui réduisaient leur stress de manière assez drastique. Donc, c'est une très bonne chose. Est-ce que dans cette étude, ils ont constaté une évolution aussi de ce non-vieillissement du cerveau, puisque comme tu le dis toi-même, ils ont étudié plusieurs catégories d'âge dans cette population. Et puis quid, puisque tu parlais d'hommes et femmes, quid du genre, hein, est-ce qu'il y a eu aussi des variations qui ont été observées? Alors d'après ce qu'ils ont dit, il n'y a pas de variation sur le genre, il ne semblerait pas. Vous pouvez très bien être un homme ou une femme et ça marchera de la même manière. Par contre, ce qu'ils veulent faire dans la suite de leur étude, et ça c'est très important, c'est continuer à étudier sur la longueur, sur la distance, chez les mêmes individus qui vont commencer à pratiquer l'ornithologie par exemple, voir s'il y a un changement au niveau des aires du cerveau, du développement de ces aires du cerveau peut-être, parce qu'il faut savoir que votre cerveau n'est pas stable, enfin n'est pas, il va pas arrêter de se transformer simplement parce que vous avez atteint l'âge adulte. Il y a encore des connexions qui peuvent se faire, il y a encore des migrations de neurones qui arrivent, hein, c'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Et du coup, pour encourager donc non seulement la migration, mais aussi la formation de connexions dans votre cerveau, vous pouvez tout à fait prendre un hobby comme l'ornithologie, et ça va notamment favoriser ce genre de choses. Et donc, l'intérêt de prendre un jeune ornithologue comme ça amateur, ce serait de voir le développement de ces aires-là, au fil du temps, au fil de sa pratique, et peut-être de pouvoir le comparer à d'autres personnes sur le même temps, ce qu'ils n'ont pas fait pour l'instant. Ils ont juste pris des personnes différentes à un instant T, ils ont regardé ce que ça donnait. Donc le but maintenant, c'est d'étudier ça sur le temps long, voir comment ça se passe. Bon, il y a déjà quelques conclusions à en tirer, vu que visiblement, il y a un groupe qui a l'air de mieux utiliser certaines aires du cerveau qu'un autre, donc c'est déjà pas si mal, en tout cas dans ce domaine-là. Maintenant, c'est quelque chose qui est applicable à plein d'autres choses, hein. Il n'y a pas que l'ornithologie dans la vie. Si vous pratiquez un instrument... Il n'y a que l'ornithologie dans la vie. Non, mais bon, si vous faites de la peinture, si vous avez quelque chose comme ça vraiment qui vous passionne et qui vous fait utiliser votre cerveau d'une manière ou d'une autre, notamment au niveau de la réflexion, c'est important qu'il y ait cette activité cognitive vraiment qui soit utilisée. Dans ces cas-là, vous avez beaucoup de chance finalement de garder un cerveau assez jeune et beaucoup plus longtemps. Et ça c'est intéressant, j'avoue que je suis contente. Je le suis aussi, sache-le. Super étude. Dernière question, Sophie. Tu disais qu'il y avait un facteur 2, du coup, de réussite d'identification des oiseaux. Lorsque les experts n'identifiaient pas les oiseaux correctement, est-ce qu'ils ont remarqué qu'il y avait des changements qui se produisaient dans les aires cérébrales? Ou pas du tout? Pas à ma connaissance. C'est toujours les mêmes aires qui s'allument, que tu réussisses ou pas ton identification, au final. C'est toujours les mêmes endroits que tu vas mettre... En pratique, vu que tu vas toujours aller rechercher dans ta mémoire, tu vas toujours aller regarder si tu connais la bestiole ou pas, tu vas toujours regarder la photo, donc ton nerf visuel va toujours s'allumer en quelque sorte. Donc c'est les mêmes processus, c'est juste que t'as pas trouvé la réponse, c'est tout. Eh ben merci beaucoup Sophie. Après la tête, on va partir sur le bas du corps et même jusqu'au cloaque, puisque on va parler de caca dans cette deuxième partie. Bah oui, allez, c'est tout de suite. Non, on va pas manger ses propres excréments dans cette deuxième partie. On va parler du pinson. On va parler pinson du Nord, Sophie. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent un peu bizarre. Là. Un accent du Nord, clairement. Est-ce que tu aurais des origines du coin? pas du tout. Alors, le pinson du Nord, on connaît bien le pinson des arbres. Qu'on a l'habitude de voir chez nous, notamment en train de manger au jardin sur le sol. Hein. C'est un oiseau qu'on voit très régulièrement se nourrir sur le sol. Si vous avez une mangeoire et que vous avez des miettes qui tombent de cette mangeoire ou des graines qui tombent de cette mangeoire, vous aurez de très fortes chances d'avoir des pinsons des arbres qui se nourrissent justement de ces graines tombées. Mais on a aussi le pinson du Nord qui vient. Je ne sais pas pourquoi, à nouveau, je prends l'accent de Jean Gabin, mais pourquoi pas. C'est un oiseau qui est hivernant chez nous. C'est un oiseau qui hiverne chez nous, il est présent toute l'année de la Scandinavie jusqu'en Sibérie. Et en hiver, donc, on a des descentes de cet oiseau qui allie à la fois le noir très ardoisé avec un orange assez pétant, même s'il est un petit peu plus effacé sur certaines parties du plumage. Donc, c'est un très très bel oiseau, c'est un très très bel oiseau à voir, avec un dimorphisme sexuel apparent entre mâle et femelle, comme chez le pinson des arbres. Mais en tout cas, vous pouvez le voir sur l'intégralité du territoire français. Ça ne veut pas dire que vous le verrez forcément, mais selon les cartes que j'ai consultées pour l'épisode, il est présent sur l'intégralité du territoire français. Alors, comme leurs homologues pinsons des arbres, c'est des oiseaux qui sont grillères, ils se déplacent en groupe et ils se réunissent en dortoirs. Donc, ce sont des lieux où les oiseaux se réunissent pour passer la nuit. Des dortoirs qui peuvent être gigantesques, Sophie. Et ça, je l'ignorais. Ainsi, en 1978, dans deux communes suisses, une près de la ville de Basel, on est à la frontière entre la Suisse et la France, et l'autre près de la ville de Luzerne, on a recensé deux dortoirs regroupant des millions de pinsons du Nord. Des millions de pinsons du Nord. Et avec ces fameux millions de pinsons, il y a une énorme production de fientes qui s'y accompagne. Une production qui était jugée pour 5 millions d'individus à 22,5 tonnes. Tonnes, c'est gigantesque. Et ça, c'est uniquement à proximité de ces dortoirs. Alors, la présence de ces pinsons, elle nous fait plaisir, à nous ornithologues, mais elle fait aussi plaisir à d'autres naturalistes. Et les autres naturalistes, ce sont les mycologues. Parce que dès le mois de mars, les mycologues se mettent à prospecter dans la région justement où les dortoirs de pinsons sont assez efficaces, ou en tout cas assez, assez importants en termes de taille de population d'individus. Et leur objectif, c'est d'identifier quelque part le lien entre la présence des excréments d'oiseaux et les espèces de champignons. Oh. Mmh. Et on arrive alors en 2001, avec cette fois-ci donc une autre arrivée massive de pinsons du Nord, à proximité cette fois-ci de Volruz, en Suisse, plus précisément dans la forêt de Devin, ou Devin, je ne sais pas comment ça se prononce, D-E-V-I-N. Si vous habitez en Suisse, n'hésitez pas à nous le dire. Et René Dougou, mycologue spécialiste des discomycètes, donc c'est un groupe des champignons, prospecte dans le sous-bois à la recherche de champignons. Et il tombe sur une espèce rare, Pseudombrophila petrachii, qu'il observe en de nombreux exemplaires, et qu'il avait observé à proximité de nos fameux dortoirs de 1978. Donc déjà un petit lien entre les recherches qu'il avait faites en 1978 et ses découvertes en 2001. Alors il poursuit ses prospections, il identifie d'autres champignons qui sont pour certains inédits à la Suisse, donc qu'on ne trouvait pas en Suisse avant justement que les oiseaux arrivent. Mais il y a une espèce que Monsieur Dougou n'arrive pas à identifier. Elle est proche d'une espèce retrouvée près des dortoirs. Il la classe un peu approximativement, mais il n'est pas spécialement sûr de l'espèce que ça peut être. Et lorsqu'il étudie le champignon à l'échelle microscopique, il s'aperçoit qu'elle fait partie d'un genre précis, Pseudombrophila, qui est une espèce qui s'accommode très très bien justement eh bien, des fientes d'oiseaux notamment. C'est une espèce coprophage. Mais c'est une espèce qu'il n'a jamais observée. Son nom, parce qu'il va lui donner un nom, c'est Pseudombrophila stercofringilla, du latin stercus ou stercosis, fiante, et fringilla, le pinceau, le fameux fringile que vous avez l'habitude de voir. Donc il réalise un article dans Mycologia Helvetica, un article donc en 2001, qui décrit la nouvelle découverte de ce champignon, totalement inédite, personne ne l'a jamais découvert. Mais on ne sait pas comment ce champignon il est arrivé là-bas. Est-ce qu'il est uniquement lié aux fientes de pinson? Première question. Est-ce que sa répartition est liée justement à la présence de ces oiseaux? Autant de questions qui restent en suspens, et même autant de questions qui restent pour l'heure en suspens, parce que depuis cette étude sortie en 2001, donc dans Mycologia Helvetica, on n'a pas d'autres informations sur ce fameux pseudombrophile que j'ai évoqué il y a quelques instants. Alors, on suppose que les spores ont été amenés par les pinsons eux-mêmes, mais on ne sait pas d'où exactement. On a d'autres études qui corroborent la découverte d'autres espèces de pseudobronphilia, cette fois-ci à Taïwan, pour cette fois-ci Echina, donc sans doute relatif au cheval, et Petrakii, que j'ai évoqué précédemment. Mais en dehors de ça, bah, pas de nouvelles de Pseudobrophila stercofringilla, qui reste une espèce de champignon unique et qui, sans le pinson du Nord, n'aurait peut-être jamais existé. Incroyable ! C'est trop bien. Donc en fait, on a des espèces qui sont là juste grâce à des espèces d'oiseaux au final. Eh ben, il semblerait, voilà. Après, moi, je ne suis pas expert en mycologie, donc s'il y a des experts mycologues qui écoutent ce podcast, n'hésitez pas à nous en dire plus dans la description, parce que moi, je serais très curieux d'en savoir plus. Et voilà, on fera éventuellement un petit retour lors du prochain épisode avec les quelques informations qui nous seront apportées via justement, eh bien, peut-être les quelques retours que l'on peut avoir. C'est assez extraordinaire ça, Sophie, quand même. Oui. On parlait du jet des chênes tout à l'heure, qui est capable justement de planter des arbres, mais des arbres locaux finalement, puisqu'on parle du chêne. Là, on parle d'espèces, alors là, on est sur du champignon, donc on n'est pas sur une espèce végétale, semble être unique, sans que l'on sache pourquoi, ni d'où elles viennent. Franchement, c'est terrible. Oh, mais comme d'habitude, hein, les oiseaux n'auront de cesse de nous étonner dans tous les milieux, hein, dans tous les sens du terme. C'est assez incroyable. C'est fou. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de faire ce genre de découverte, toi, de ton côté en Afrique? Pas forcément de nouvelles espèces décrites, mais des champignons ou des arbres, justement, qui ont été importés par des oiseaux, alors que c'est pas, entre guillemets, l'endroit où on les trouve. Non, pas spécialement. Après, on a des arbres que des espèces qui sont pas censées utiliser utilisent, parce que c'est des arbres importés, si tu veux, c'est des essences qui sont pas censées être là. Mais eux-mêmes les avoir importés, non, pas vraiment, non. Oui, il y a certainement des lichens et des champignons comme ça aussi, hein, certainement, parce qu'après tout, ça, c'est des choses qui peuvent se balader sur des oiseaux qui voyagent. Mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça ici, pour l'instant. Donc voilà, si vous voyez un pinson du Nord, maintenant, il faudra attendre l'année prochaine, hein, puisqu'on est en mars et le pinson du Nord, il commence à se carapater et il se sera sans doute carapaté lors de la sortie de cet épisode, eh bien, vous penserez que c'est un oiseau qui a la capacité de faire, de comment dire, de planter de nouvelles espèces. Ça me fait penser à ces fourmis, tu sais, qui cultivent des champignons. Bon, elle, elle les cultive en plus, mais c'est un peu le même style. Super intéressant. Merci pour cet article. Eh ben, de rien, vous retrouverez bien évidemment toute l'information en description. Sophie, bah on va se quitter là-dessus. Voilà, peut-être une petite poêlée de champignons pour conclure. Hein. Je ne sais pas pour oui, toi. Oui, mais alors pas ceux-là. Pas ceux-là. Étrangement, pas je me dis qu'ils sont peut-être pas comestibles. Effectivement, pas cela. Mais en tout cas, on espère que cet épisode vous a plu du Courrier de la Citerne. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi. Si vous l'avez apprécié, eh bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça nous aide beaucoup à faire connaître l'émission. N'hésitez pas également à retrouver les précédents épisodes sur toutes les plateformes de streaming ou sur YouTube. Hein. On a parlé de ces fameux oiseaux présents en Amérique du Sud et notamment vers la cordillère des Andes. On avait justement évoqué ce sujet-là. Eh bien, n'hésitez pas à réécouter notamment cet épisode pour en savoir un petit peu plus. Et puis, bah, si vous avez des questions, bah, les commentaires sur YouTube sont faits pour cela. Et puis, si vous avez des précisions, comme on l'a dit, sur le sujet des champignons ou d'autres, eh bien, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode du Courrier de la Citerne. Et rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous, salut à toutes. À plus.